Entre nous et la police, ça a toujours fait deux. Ils te diront que ça vient de nous, mais nous on sait que c'est deux. Monsieur l'agent, calmez-vous, arrêtez de faire le nerveux. Continuez à me tabasser, mais je passerai pas aux aveux. On a la haine contre vous, l'agent, dites-le au commissaire. Et on a plein, avec nous, agents qui pèsent le ministère. Allez-y, parlez-en un peu des bavures policières, monsieur l'agent. Parlez-en qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Venez qu'on parle des gardes à vue, comment se passent les pères. Qui manque de respect à la daronne devant le père et les petits font des trucs inter. Déjà qu'on a la zère, monsieur l'agent, nous rabaisse et ça vient sur ses pères. Amis, c'est si facile de se cacher des derrière une armée, une plaque. Toi tu finiras attaché vu comment tu nous plaques. Allez tous vous faire mettre, si je peux me permettre. Monsieur l'agent, ce qui fait un homme, ce n'est pas le 9mm. Venez, n'ayez pas peur, posez vos flashs, vos tasers. Monsieur l'agent, dis-moi c'est bon, là tu veux pas ramener ta sœur. C'est qu'un trimar, ah ouais, tu l'as pris mal. Va te laver le cul, ensuite on parlera de primar. On est la police et ses acolytes qui s'alcoolisent pendant qu'on balise. On est la police qui s'alcoolise pendant qu'on balise. Monsieur l'agent, nous aime pas mais il veut nous ressembler. Mon cousin stick, toi l'agent, veut pas dans l'assemblée. T'as dégainé sans blé, c'est bien ce qui me semblait. Monsieur l'agent, joue le voyou, mais un voyou qui a pas de blé. Monsieur l'agent, joue le voyou, mais c'est un fils à papa. Il vient s'en prendre à nous quand dans sa vie ça va pas. Sa femme est pleine de vices et les pénis, elle aime ça. En plus de ça, il est jaloux car sa fille kiffe les rabza. Monsieur l'agent, n'ayez pas peur et ramenez tous vos équipiers. Équipés de la tête aux pieds avec une sale équipe typée. Il nous emmène, nous traîne, au bon mètre ou à freine. Quand il s'agit d'un frère, il y a plus rien qui nous freine. C'est pour mes frères enfermés. RGSHM, sachez qu'on pense à vous et calcule vos remises de peine. Et malgré toute cette misère, on reste toujours cool, fils. Cours, fils, écoute, fils, on fait ça sur un coup de pic. La police et ses acolytes qui s'alcoolisent pendant qu'on balise. On est la police et ses acolytes qui s'alcoolisent.